Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Sixième épisode. Le sculpteur de chair humaine. Baruch Yorgel continuera-t-il longtemps à échapper à la justice ? Rappelez-vous, lorsqu'il avait été découvert à la suite des meurtres qu'il avait commis au Creek sanglant, à Yorgel City, il avait réussi à s'enfuir en France grâce à la complicité des mystérieux frères Cornelius et Fritz Kram. Assassin du chimiste français Gaston de Maubreuil, il avait aussi réussi à quitter la France. Traqué dans New York, sa tête mise à prix, errant comme un mendiant avec sa colossale fortune de diamants en poche, prêt à tomber entre les mains de la police, il a de nouveau réussi à s'échapper. Et grâce à qui ? Grâce encore au docteur Cornelius Kram, chez qui il a trouvé refuge. Mais quel homme est donc ce diabolique docteur Cornelius ? Et quelles sont donc ces mystérieuses entreprises auxquelles il a promis d'associer Baruch ? C'est aujourd'hui même qu'il doit lui en faire part. Entrez. Ah, Leonello. Enfin. Le docteur Cornelius désire me voir, je suppose. Exactement, monsieur Baruch. Bon, j'y cours. Où est-il ? Dans son laboratoire, dans son cabinet, où ? Je vais vous conduire. Non, c'est inutile. Dites-moi seulement où il est, j'irai seul. Vous ne trouveriez pas, il est préférable que je vous accompagne. Oh là là, que de mystère. Bon, parfait, je vous suis. Mais où me conduisez-vous, Leonello ? Ce couloir finit en cul-de-sac ? Vous croyez ? Eh bien, vous trompez, Mr. Yorgel. Regardez. Oh, un passage secret. Un ascenseur ? Entrez, je vous prie. Dites-moi, nous descendons ? Oui, je vous conduis dans le laboratoire souterrain du docteur. C'est une très grande faveur qu'il vous fait, même ses meilleurs amis en ignorent l'existence. Voilà, nous y sommes. Suivez-moi, voulez-vous ? Bonsoir, mon cher Baruch. Vous avez là un laboratoire extraordinaire, cher docteur Cornelius. Oui, n'est-ce pas ? Il m'a coûté assez cher. Mais au moins, il a l'avantage d'être complètement isolé. Je pourrais, s'il m'en prenait la fantaisie, écorcher vif mes clients et les laisser hurler tout à leur aise. Là-haut, on n'entendrait pas un bruit. Oui, c'est commode, en effet. Rassurez-vous, je ne pratique pas la vivisection. Enfin, pas souvent. Les cadavres que vous voyez là étaient déjà morts quand j'ai commencé à les disséquer. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir. Si je me suis permis de vous déranger ce soir, c'est que j'ai une proposition sérieuse à vous faire. Ah, et de quoi s'agit-il ? Eh bien, voilà. Mais d'abord, une question. Tenez-vous beaucoup à conserver votre physionomie ? Ma physionomie ? Oui. Oui, votre nuance de cheveux, l'expression de votre visage, la couleur de votre peau, bref, tout ce qui constitue votre personnalité physique. Pourquoi ? Vous voulez me teindre, me maquiller ? Vous teindre, vous maquiller, quelle plaisanterie. Non, il s'agit de bien autre chose. Le changement qui se produira en vous sera tellement radical que vous serez véritablement un autre homme. Vous ne pourrez plus vous reconnaître dans un miroir. C'est impossible, voyons, vous rêvez. Mais non, je ne rêve pas, c'est très possible, au contraire. Bien sûr, l'expérience est risquée, mais elle est sans danger. C'est un cauchemar, heureusement. Jamais la science ne pourra opérer une pareille métamorphose. Je vois que vous ignorez les ressources de la carnoplastie. Une science que j'ai créée de toutes pièces. Ce n'est pas pour rien, croyez-moi, que l'on m'a surnommé le sculpteur de chair humaine. Oui, oui, je sais, mais j'aime encore mieux rester comme je suis. Je pourrais me passer de votre permission, mais je préfère vous convaincre. Quand je vous aurai tout expliqué, vous comprendrez où sont vos véritables intérêts. J'en doute. Vous vous souvenez qu'hier soir, lorsque nous parlions de Joey Dorgan, le fils du milliardaire William Dorgan, qui a été enlevé par les bandits de la main rouge, je vous disais qu'il avait avec vous une certaine ressemblance. En effet, oui. Eh bien, cette ressemblance, je peux, en quelques semaines de traitement, la rendre totale et définitive. Mais alors, il y aurait deux Joey Dorgan? Pas du tout, parce que, toujours grâce à ma science, le vrai Joey Dorgan aura pris exactement l'aspect physique du trop fameux Baruch York. Vous comprenez maintenant, vous repassez votre personnalité un peu tarée à un voisin complaisant qui vous donne la sienne en échange. C'est génial, non? Bon, admettons. Admettons que j'arrive à revêtir l'apparence exacte de Joey Dorgan. Je ne pourrai jamais assimiler ni sa voix, ni ses gestes, ni ses opinions, ni sa pensée. Mais si, tout est possible. Je vous donnerai sa voix, sa démarche, ses gestes, et même ses moindres souvenirs, et ses pensées les plus secrètes. En un mot, je vous donnerai son âme. Pour réaliser cette expérience, il faudrait d'abord être sûr de retrouver Joey Dorgan. Et vous semblez oublier qu'il est prisonnier de la main rouge. Ce n'est qu'un détail. Regardez. J'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Joey Dorgan. Comme vous le voyez, il est admirablement disposé et se soumettra à l'expérience que nous allons tenter. Mais il est mort? Pas du tout. Il est seulement plongé dans le sommeil de l'hypnose. Je lui ai donné l'ordre de se rappeler tous ses souvenirs d'enfance et de les raconter avec les détails les plus circonstanciés. Depuis une semaine, tout est enregistré par le phonographe enregistreur que vous voyez près de lui. Mais comment Joey Dorgan est-il arrivé ici? Ça ne vous regarde pas. Excusez-moi. Mais, permettez, une autre question. Faudra-t-il que je vous expose aussi en détail mes souvenirs et mes projets? Pas du tout. Ce serait tout à fait inutile. Lorsque je lui aurai donné exactement votre ressemblance, il me suffira d'une petite opération sur le larynx pour lui donner votre voix, puis une légère piqûre au cerveau lui enlèvera définitivement la mémoire. Mais pourquoi ne pas le faire disparaître, purement et simplement? C'est aussi ce que proposait mon frère Fritz, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que l'existence d'un faux Baruch sera une garantie de sécurité pour vous. Et puis, j'ai mon amour propre de savant. Cela me plaît de jouer la difficulté et de mener à bien une double transformation que tout le monde considère comme invraisemblable. Vous avez peut-être raison. Quand le faux Baruch aura été bel et bien électrocuté, personne n'aura l'idée d'aller me chercher sous la peau de Joey Dorgan. Exactement, mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous réalisez que grâce à moi, vous allez devenir l'héritier de la plus grande fortune d'Amérique? Celle de votre nouveau père, le milliardaire William Dorgan. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Eh bien, ce détail. Comme vous dites. Vous mettra à même de nous prouver votre reconnaissance de façon royale. Je n'y manquerai pas. Au contraire, vous coûterez très cher. N'oubliez jamais que l'on ne se moque pas impunément de mon frère Fritz. Et de moi-même. Bon. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Êtes-vous prêt? Prêt à quoi? Vous voulez dire que maintenant, tout de suite, nous bien allons... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous allez vous déshabiller et vous allonger sur cette table d'opération. Je commencerai dès que Leonello sera là. Vous m'avez appelé, maître? Oui, nous commençons. Attache-le, Leonello. Êtes-vous prêt, Baruch? Très bien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, j'ai pas peur. Je vais vous faire une piqûre. Et ensuite, vous ne sentirez plus rien. Vous allez compter tout haut. Un, deux, trois, quatre, cinq, penses-tu de mon œuvre? La ressemblance n'est-elle pas parfaite? Il est impossible de faire mieux. Dommage que je ne puisse pas publier les résultats de cette expérience. Ne trouvez-vous pas, maître, que Baruch est encore un peu trop gros par rapport à un jouet d'organe? Oui, tu as raison, Lionello, mais c'est facile d'arranger ça. Il suffit de le soumettre à un courant électrique à haute tension. Occupe-toi de cela. Moi, après 4 jours de travail ininterrompu, je crois que je vais aller me reposer un peu. Lâchez-moi! Ne bougez surtout pas, monsieur Baruch. L'expérience est terminée. Et je peux vous annoncer qu'elle a parfaitement réussi. Je veux voir un miroir. C'est mon visage, un miroir. Soyez calme, sœur. Le docteur a bien recommandé que vous ne parliez pas et que vous demeuriez complètement immobile. Un miroir. Donnez-moi un miroir. Vous voulez voir votre nouveau visage, c'est normal. Allons, je vais enlever juste un instant le masque que vous avez sur la figure. Un miroir, bébé. Voilà. La visite, sœur. Le docteur Cornelius et son frère, Fritz Kram. Mais que c'est bon, surtout, hein, n'oubliez pas qu'il vous est encore interdit de parler. Bonjour, Baruch. Mais c'est inouï, Cornelius. Je n'aurais jamais cru que l'on pût atteindre une telle perfection dans la ressemblance, mais ça tient du prodige. N'est-ce pas? Oh oui, il faudrait en effet qu'un détective fût très malin pour aller dénicher Baruch Yorgel sous la peau de Joe Dorgan. Et oui, on dirait qu'il a endossé un costume neuf. Et qu'il lui sied à ravir. Je le trouve plus jeune. Plus élégant, non? Je dirais même plus distingué. Ah, on ne l'est jamais trop quand on est le fils d'un milliardaire. Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Entrez. Ah, docteur Cornelius. Bonjour, Baruch. Eh bien, comment vous sentez-vous ce matin? En pleine forme. Bon, alors il est temps de nous mettre au travail. Au travail? Ah, la ressemblance physique n'est pas tout. Maintenant, il faut que vous assimiliez les phrases, les pensées, les gestes, les tics, les manies, enfin, tout ce qui constitue la personnalité de Joy Dorgan. Mais comment? Il y a dans mon laboratoire souterrain quelques milliers de rouleaux phonographiques que Joey a eu la complaisance de dicter lui-même et qui renferment tout ce qui vous manque. Vous avez une bonne mémoire? Assez bonne. Alors, tout ira bien. Dites-moi, pour les phrases, les idées, je comprends, mais les gestes, la démarche, pouvez-vous m'expliquer, me dire? Tout est prévu. J'ai eu soin de faire cinématographier Joey Dorgan dans toutes ses attitudes. Alors, je suis sûr de réussir. J'y passerai le temps qu'il faudra, mais je veux que l'adaptation soit parfaite. Ouais, très bien, très bien. Ah, j'oubliais. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Baruch Yorgel. Enfin, oui. Joey Dorgan a été arrêté hier soir. Ah? Et comment cela s'est-il passé? Très simplement, il est revenu au Family House de Mistress Clifton, qui, dès qu'elle l'a vu, a immédiatement prévenu la police. Du coup, nous avons fait la fortune de cette dame. Elle va toucher la prime de 50 000 dollars, et en plus, elle a sa photographie en première page de tous les journaux de l'Union. Je me suis toujours très bien entendu avec mon frère Harry. C'est un garçon très intelligent et très sensible. Oui, j'aime beaucoup Harry et... Je me suis toujours très bien entendu avec mon frère Harry. C'est un garçon très intelligent et très sensible. Oui, j'aime beaucoup Harry. Oh non, pas comme ça. Oui, j'aime beaucoup Harry. Oui, j'aime beaucoup Harry. Ça. Non, mais c'est pas possible! Cornelius est un misérable! On dirait qu'il fait exprès de me faire jouer ce rôle d'hypocrite et de petit saint! J'aime beaucoup Harry! J'aime beaucoup Harry! Si je pouvais le tuer! Oui! Si je pouvais le tuer! J'aime beaucoup Harry! Eh bien, Baruch, je dois dire que vous avez fait des progrès considérables pendant ces deux derniers mois. Qu'en penses-tu, Fritz? Ah oui. Encore quelques jours de travail et il sera complètement d'organifié. Ah, au fait, Baruch, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, hein? Concernant votre sosie, enfin le faux Baruch. Il a parlé? Oh non, de ce côté-là, rien à craindre. Il ne sait même pas son nom. Son nouveau nom, bien sûr, et encore moins l'ancien. Non, il s'agit d'autre chose. Le jury l'a déclaré non coupable. Moi non coupable? Mais c'est une plaisanterie. Pas du tout. Mais j'avoue que je n'avais pas pensé à cette éventualité. Le traitement que j'ai fait subir à Joey Dorgan lui a complètement fait perdre la mémoire et bien sûr il n'a pu répondre à aucune des questions qu'on lui posait. Les juges ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un système de défense, mais ils ont fini par reconnaître qu'il n'était peut-être pas tout à fait normal. Et les experts consultés ont été unanimes à reconnaître qu'il souffrait de graves lésions cérébrales et qu'il était totalement irresponsable. Et alors ? Eh bien, la loi américaine, vous le savez, s'oppose à la condamnation à mort d'un aliéné. Le tribunal a donc décidé de l'interner dans une maison de fous. Il a été conduit au Lunatic Asylum de Greenaway. Je suis sûr que ma sœur Isidora est allée lui rendre visite. Elle m'aimait bien, elle. Et je me souviens... Effectivement, elle y est allée. Et c'est ce qui m'inquiète. Elle prétend que le Baruch Yorgel qu'elle a vu ne peut pas être son frère. Quand nous étions enfants, mon père nous disait que l'argent n'avait aucune importance. Et que même si... Quand nous étions enfants, mon père nous disait que l'argent n'avait aucune importance et que... Oh. Mais je vais devenir fou. Je ne peux plus supporter l'odeur de ce laboratoire. Et cette voix qui devient ma voix, ce visage qui n'est plus le mien. Je ne sais même plus qui je suis. Terrible. Je suis devenu un spectre vivant, et quand je me regarde dans un miroir, ce n'est plus moi que je vois. Oh ! Un miroir ! Il me faut un miroir ! Un miroir, vite ! Voilà ! Non. Je deviens fou. Là, ce n'est même plus Joy Dorgan que je vois. Non, non, arrière, fantôme! Monsieur de Maubreuil, là! Ah, non, arrière, vieil imbécile, arrière! Partez! Je vais vous tuer, là! Ha, ha! Trêve, vieil imbécile! Trêve, vieil imbécile! À moi les diamants! Je suis riche! Baruch! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous m'entendez? Baruch! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vous, docteur Cornelius! Hein? Mais oui, c'est moi, qu'avez-vous? Mais je sais pas! Docteur Cornelius, quel jour sommes-nous? Hein? Samedi. Pourquoi? Samedi. Oui, samedi, j'aurais dû me méfier. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Écoutez, j'aurais dû vous parler plus tôt, mais je croyais que cela se passerait tout seul, voilà. Voilà, je suis hanté, là, par d'horribles visions. Et je dois vous avouer que si je croyais au remords... Au remords? La science ne connaît pas le remords. Vous êtes surmené, c'est normal. Je vais vous rédiger une ordonnance. Non, docteur Cornelius! Docteur Cornelius, laissez-moi vous expliquer, parce que ces hallucinations sont vraiment très spéciales. D'abord, elles se traduisent... par la peur des miroirs. Oui. Oui, j'éprouve en leur présence des souffrances intolérables. Et en même temps, elles m'attirent. Et quand je me regarde, il me semble que je vois, derrière le visage de Joy Dorgan... mon vrai visage, mon visage à moi. Baruch Yorgel, vous comprenez? Mais ce n'est rien. Un peu de nervosité, c'est tout. Non, attendez, ce n'est pas tout. C'est pas tout, je serai d'accord avec vous s'il n'y avait pas autre chose encore. Autre chose? Oui. Chaque samedi. Et c'est un samedi que j'ai tué le vieux de Maubreuil. L'hallucination prend une forme aiguë. Racontez-moi cela. Oui. Racontez-moi cela. Chaque samedi... Mmh. Cela commence de la même façon. Mmh. Où que je me trouve, je vois soudain devant moi l'image très nette de la fille de Maubreuil. André. Oui, André. D'abord, elle n'est qu'une sorte de brouillard vaporé, une tache de lumière indécise, mais à mesure que je la regarde, et je ne peux pas ne pas la regarder, n'est-ce pas? Ses traits s'accentuent, elle se matérialise, bon, elle a touché, elle me parle, elle est là, et ce sont toujours les mêmes paroles. Que dit-elle? Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Je te reconnais, Baruch Yorgel. Tu te caches sous un autre visage que je n'avais jamais vu, mais je te reconnais. » Ah. Oui. Vous avez dû être amoureux de cette fille. Oui, c'est vrai. J'ai été amoureux. Cela ressemble à de la suggestion à distance. Vous pensez à elle et elle pense à vous. Pourvu qu'on ait une certaine forme d'objectivité. Et ensuite, je m'enfuis. Je me réfugie dans ma chambre. Et là, je suis obligé, vous entendez, obligé de me regarder dans le miroir. Oui. Et à ce moment, ce n'est plus le reflet de Joy Dorgan que je vois dans le miroir, mais mon vrai visage. Et non seulement je le vois, mais je le sens. Sous mes mains, là, mon visage est redevenu lui-même, le masque tombé. Voilà qui est ennuyeux. Si de pareilles hallucinations vous reprenez souvent, cela pourrait compromettre tout le travail que j'ai fait. Ce n'est pas tout, écoutez. Au bout d'un moment, et c'est le plus terrible, ce n'est même plus mon reflet que je vois, mais le visage mélancolique de Monsieur de Maubreuil. Oui, et il est revêtu de sa blouse de laboratoire, toute trouée par les acides. Et il est exactement tel que je l'ai vu la dernière fois. Je me jette sur mon lit et c'est alors que le cauchemar commence. Mes yeux sont à peine fermés que je me revois dans le laboratoire et que je réassiste de nouveau à la synthèse du diamant. Mais bien sûr, au trépas inattendu de Monsieur Maubreuil. Je suppose que vous attendez sans impatience la soirée du samedi. Oui, et c'est ma hantise. C'est ma hantise pendant toute la semaine. Et pourtant j'ai de la volonté, vous savez. Et quand tout cela a-t-il commencé? Le jour où vous m'avez appris l'arrestation de Joy Dorgan. Ce qu'il y a de plus clair dans tout ce que vous venez de me raconter, c'est que vous êtes très malade. Et dans notre intérêt à tous, il ne faut pas laisser la néphrose vous envahir. Enfin, pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Mais c'est que, vous voyez, j'espérais parvenir à me dominer tout seul. Mais bon. Je vais vous faire une ordonnance. Voilà. Phosphoryl, lécithine, valérianate de fer. Privation absolue de boissons alcoolisées. Promenade dans le jardin et 12 heures de sommeil par nuit. Je suis sûr que d'ici peu tout s'arrangera. Je le souhaite. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Comment vous sentez-vous maintenant? Oh, maintenant, tout à fait bien. Dans ce cas, que diriez-vous d'une promenade en ville? En ville? Vous voulez dire que c'est aujourd'hui que je vais... Enfin, que Joy Dorgan va retrouver son père? Non, Baruch. Il s'agit d'autre chose. Leonello viendra vous chercher après le dîner, il vous conduira dans notre voiture, les glaces sont teintées et personne ne pourra vous voir. Mais de quoi s'agit-il? Où me mènera-t-il? Vous le verrez, mon cher Baruch. Vous le verrez. Nous avons décidé, mon frère et moi-même, de vous faire connaître notre secret le plus important. Quel secret plus effrayant encore que ces diaboliques opérations chirurgicales, le docteur Cornelius va-t-il dévoiler à Baruch Jorgel, maintenant devenu Joy Dorgan? Vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton de cauchemars et d'épouvantes, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, les Lords de la Main Rouge. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. Sixième épisode, Le sculpteur de chair humaine. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Max Vial, Jean Martin. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 2 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.